Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 5 de La Boucle Infinie propulsé par Young Media, le podcast qui vous parle de web, de développement et de programmation. Autour de la table pour jaser aujourd'hui, Jeff Cromp, Élie Rodrigue et Michael LaRouche. Hey, ça va? We're back, boys! Yes, it's been a while. Ouais, it's been a while. Après une longue absence, là, on a eu de la misère à synchroniser là, nos horaires. Ben c'est ça, le dernier on l'a fait cet été. Quand on l'a fait cet été? C'est-tu au même? Je me demande si c'est pas au printemps. C'était après le Trailhead ou c'était avant? Je pense que c'était avant. On a-tu parlé qu'on était à San Francisco? Oui, c'était après. Ton micro, Élie, hein? C'était après. Mets ton micro vers nous autres. C'est après San Francisco. Ben, je m'en souviens qu'on vous a reçu avec vos beaux petits stickers sur vos laptops. Fait que je pense que c'était après. Fait que ouais, on a eu de la misère à synchroniser, mais non, le podcast n'est pas mort. Là, on repart ça de plus belle. Fait qu'on en fait deux ce soir. On fait l'épisode 5 et 6. Puis on est sur Facebook Live. Ben, ça nous tente. On aime ça être en direct, nous autres, là, des fois. Peut-être pas quand on code, mais... on va y revenir. On va y revenir tantôt. Fait que, on commence avec quoi? Est-ce qu'on commence avec nos découvertes, ce qu'on a découvert entre les podcasts, en fait? Découverte projet personnel, je pense. Ouais, c'est ça. Là. Allons-y, on va envoyer là-dessus. Ben, moi, je pourrais commencer avec ma nouvelle qui me flabbergasté. C'est si vous suivez un peu l'actualité d'informatique depuis les 15 dernières années, on va dire même 16, voir que Microsoft a rejoint la Fondation Linux, la Linux Foundation, qui est un Platinum Member, c'est-à-dire qu'ils ont payé le plus d'argent pour être membre de la Fondation. Les gros bidous. Eh oui, parce que on se souvient en 2000, Steve Ballmer avait dit que Linux c'était le cancer. ça spreadait quand le cancer, c'est comme tu t'attachais à la licence GPL puis c'était fini. Genre. Ça, c'est quand il criait Developers puis qu'il suait à grosse goutte sur le stage. C'est quasiment en même temps, ouais, effectivement. Fait que c'est ça, grosse nouvelle, Microsoft n'est plus que la compagnie qui était il y a 15 ans. C'est moins evil. Moins evil, je l'aime beaucoup, moi, Microsoft, à cette heure. Il commence à faire du hardware aussi, ça c'est super. Ah, c'est hot, ça. Les Surfaces, là, sont assez kickass. Le Surface Laptop et le Surface Desktop qui ont annoncé. Le studio, là, c'est comme, pourquoi c'est pas Apple qui a fait ça? C'est débile, capoté. Là. T'as-tu vu qu'ils vont sortir un Visual Studio pour Mac? Non. Ça, là... C'est un émule. C'est juste Xamarin Studio qui ont rebrandé Visual Studio. Ben, ça reste Visual Studio. Non, sur Mac. C'est pas Visual Studio. On va s'entendre, là. C'est juste Xamarin Studio qui est basé sur MonoDevelop, qui était basé sur SharpDevelop. Non, c'est pas Visual Studio. C'est correct, au moins, il va comme intégrer des technologies Microsoft dedans, tu sais. Mais ça va rester que le monde qui utilise Unity, là, il laisse pour mourir cette IDE-là. Fait que... Non, je trouve que c'est... Mais le fait que Microsoft s'en a avec Linux, là, ça s'associe de même, ça cache quoi ou ça démontre quoi, ça? Qu'est-ce qui, quelque chose qui s'en vient, l'association entre les deux? Je pense qu'ils s'ouvrent vraiment à beaucoup. Tu vois, déjà dans les upgrades de Visual Studio, dans le prochain Visual Studio 2017, oui, je suis déçu, malheureusement. Ils n'ont pas gardé le nom de 15. Ils n'ont pas gardé le nom de 15. Comme, enfin, ils auraient pu comme régler le problème de First Yearning. Genre, comme, OK, il y aurait eu une version bâtarde, genre, comme entre les deux, mais au moins, ils auraient réglé ça. Mais non, ils ont resté à fin. Mais bref, de base, tu peux installer un package qui permet de comme déboguer puis lancer l'application en remote avec GDB de server. Ah. Fait que c'est intégré dans Visual Studio, tu te connectes, tu dis OK, mon serveur GDB il est à telle adresse, puis ça débogue en real time dans Visual Studio, c'est tellement merveilleux. Je l'ai essayé un peu, là, c'est vraiment malade. Mm-hmm. Fait que le but, je pense, c'est juste qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus tout seuls dans leur écosystème. Il y a Android qui est là pour les téléphones mobiles, il y a iOS. C'est vraiment plus la question de téléphone mobile, je pense, qui ont plus poussé qu'aussi. OK. Puis aussi, les serveurs, le cloud est pas mal beaucoup sur Linux aussi. Les serveurs Amazon, j'imagine, doivent rouler sur Linux aussi. Oui. Fait que, tu sais, ils ont releasé SQL Server pour Linux avec un beau trick qu'ils ont fait pour l'avoir. Ils ont bundlé le kernel NT en user space. Fait que t'as comme, dans l'application, t'as le kernel Windows qui roule, genre, c'est assez malade. Pendant ce temps-là, je pense que le père à Élie vient de liker la page. Oui. Salut, good. Papa. Hey, yes. On est pro-parents, nous autres, quand on fait des podcasts. Yes. À chaque podcast de Rétro Nouveau, je salue ma mère. Avec ça. Salut ton père. Ah oui, j'ai ça. Il y a du monde. C'est excellent. Personne live. Sinon, relié à cette nuit. Personne live. C'est quoi notre vie? Je sais pas. Il y a 4 personnes live quand même, c'est quand même cool. Sinon, c'est nous 3 plus le père à Ellie, je pense. Yes! Hey, reste en famille! C'est déjà ça, moi. Sinon, Autre nouvelle flabbergastante, Google a rejoint le .NET Foundation la même journée que Linux, Microsoft a rejoint le Linux Foundation. Ça n'a rien à comprendre. Tout le monde s'en va à la même place. C'est, ouais, quoi, c'est... Ben, c'est ça. C'est comme... Google, ça me surprend beaucoup parce qu'ils n'utilisent pas tant la technologie .NET. Ils sont surtout très Java, très Python, très C++. Puis évidemment, Go puis Dart. Là, que Go, il n'y a pas bon qu'ils l'utilisent, mais Dart, il n'y a comme personne qui utilise ça encore. Là. Mm. Qui est comme le langage qui essaie de remplacer du JavaScript, mais ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Fait que... C'est ça. Mort, c'est mort. Non, ils parlent d'une résurgence. Là. Ah. Ils ont compris qu'au moins Dart, ils compilent en JavaScript. C'était déjà une... Pour la transition, ça le permettait déjà, mais personne, ils se sont rendus compte que personne n'utilisait la VM propre à Dart, que tout le monde, personne s'en servait. Ah, oh, okay, ok. Fait que. Mais pour le point .NET, je sais pas qu'est-ce que Google fait dans le .NET Foundation, mais ils sont là. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va apporter dans le futur. Mais on va suivre ça pour vous, les auditeurs, dans les prochains mois. Si c'est, ça, si c'est les nouvelles de ça pop sur Reddit, ben je vais les voir. Sinon, ton projet de NHL. Ça c'était mis un peu sur la glace. Je suis rendu à la partie. Je suis rendu à la partie le moins le fun, c'est-à-dire faire parler ma Super Nintendo à mon Raspberry Pi. Puis j'ai essayé de comme faire un circuit de conversion du 5 volts au 3.3 avec des résistances, puis ça marchait pas. Avec des résistances. Fait que. Va m'en reprendre. T'es pas nié, c'est... Non, c'est... je suis large pour m'acheter les chips qui font la conversion à la place, fait que je suis comme pogné là. Fait que j'ai d'autres choses à entendre. Je peux aller chez Addison pour toi, si tu veux. Non, il n'y a pas ces chips-là, je pense. Un step down, il y a ça. Chez Madison, au pire, chez nous, il y a ça. Des step down en chips, là? Ouais. OK, qui font du 5.5 à 5 vols à 3.3. Ah, je savais pas qu'il y a ça, c'est Addison. Ouais. Ça se trouve. Ouais, c'est ça. Je suis rendu là. J'ai essayé de monter ça. Éventuellement, je vais m'en mettre là-dedans, là. Mais c'était belle fun. On compte sur toi, là. On va enlever ce projet-là. Ah non, je veux le finir, là. Je veux vraiment le finir. Ah oui, puis petite anecdote, j'ai finalement trouvé un d'autre qui faisait un connecteur qui se branche en dessous de la Swan Nintendo qui convertit en connecteur BDB25. Nice. Sauf que le soir que je l'ai reçu, je l'essaye, je le mets dans ma Super Famicom. Puis le connecteur, il reste pogné là, j'essaye de l'arracher, puis il y a trois pins qui pètent, puis le connecteur reste pogné dans Super Famicom, puis j'ai le PCB dans mes mains. Je suis comme, calice, je viens de la recevoir, ça m'a coûté genre fucking 80$. Ah, c'est machin. Ah, oh, je suis comme, ben, je suis sûr que je vais être capable de la récupérer, mais ça aussi, j'ai pas checké ça non plus. C'est un projet de marbre. Non, c'est ça. Fait à côté. Fait qu'à la place, j'ai commencé un petit projet pour les meilleurs qui aiment sur un qui va prendre un... Mettons un point wave, un point flac. Il va prendre un fichier de définition en JSON qui va tout faire la conversion automatiquement, le trimming, générer les tout ce qu'il faut pour générer un pack audio pour les messieurs bien parfait, normaliser et tout ça. Nice. Nice, as-tu fait d'autres hacks de messieurs? Non, j'ai fait d'autres, non. Le Hong Kong, c'est pas toi qui l'as fait, là? L'Hong Kong dans l'Angifère, c'est pas moi. Mais il était dans les wanted list, par contre. Mais quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça crissement drôle. Il y a des wanted lists de hacking ou de... Oui. Tout sur Reddit, ça faudrait que je me mette là-dessus. Non, c'est pas sur Reddit. ça dépend de quelle communauté tu veux. Check, là. Mais tu sais, il y avait quelqu'un qui avait parti un thread. Ah, j'aimerais ça que tel jeu, il y ait un hack émis sur un dessus. Puis je n'ai fait peut-être 3-4 là-dedans. Non, là. Ah, c'est cool, ça. OK. Toi, Jeff? Bien occupé dans les derniers mois. Moi, j'ai eu... Ben, en fait, RZO a été comme mis sur la tablette un peu parce que j'ai eu des projets payants à faire. Puis... Ben, quand les projets payants, je les prends parce que ça paye l'équipement qui me permet de faire les projets non payants comme celui-ci en ce moment. Là. Fait que j'ai fait le site web de l'émission Madame Lebrun. Ouh, yeah! C'est la première fois que je fais un site web qui a autant de vues, je pense. C'est pas le nouveau projet à Benoît Brière. C'est la saison 3 en fait en ce moment. Puis il n'y avait pas de site. Fait que c'est moi qui ai pogné ce contrat-là. Fait que j'ai intégré ça. Des beaux challenges techniques de responsive. Asti que j'aille ça faire ça. Ça a l'air tellement de la merde. C'est vrai. J'ai comme arrêté de faire du front-end quand le responsive est arrivé. Puis là, quand j'en refais, j'ai tellement de la misère. Là. C'est tellement de la merde. T'as un petit détail qui marche pas. T'arrives, t'as un gap, t'as un 10 pixels que c'est tout croche. Puis ah, là, tu fais des conditions, tu fais des media query tout croche. Puis ça finit par marcher. Ton code est dégueulasse après ça. Mais non, c'était le fun. Puis j'ai quand même. Ah, oui. C'était quoi le back-end de... C'était rien. C'est moi qui l'ai fait. De base, t'as tout parti, t'as pas pris un WordPress ou quelque chose? Non, parce que WordPress aurait été plus compliqué probablement à le mettre custom que d'en faire une version parce qu'il y avait comme 3-4 tables, il n'y a pas grand chose. Tu sais, il n'y avait pas un CMS que le monde pouvait poster les vidéos, ben eux autres peuvent poster les vidéos. Non, je l'ai bâti, en fait, j'ai pris comment ça s'appelle? SB Admin 2, qui est un thème d'admin que je prends pour à peu près tout ce que je fais. Ouais. Puis je plug en arrière en PHP là, parce que je code encore en PHP parce que ça va vite pour moi de faire ça. Tu prends un langage que tu connais le plus. C'est ça, là, je vois vraiment vite. Puis j'ai fait un admin qui faisait comme hey, tu peux poster des épisodes, éditer des épisodes, poster des photos, poster des vidéos. That's it. Nice. Ben, eux autres sont-tu contents? Ah ouais, eux autres sont comme hey, ça marche pas bien. Il y a tout des petits bugs au début que tu penses pas comme ah, elle a mis une apostrophe dans sa description, ça vient de briser ma string. des petites affaires comme ça que j'avais pas pensé au début, mais sinon, non, ils sont les bien satisfaits. Les maudits humains, là. C'est eux autres qui brisent tout. D'ailleurs, ils brisent tout le temps tout. J'ai un message à tous ceux qui veulent soumettre leurs choses sur RZO. Là. Quand vous allez soumettre des fichiers dans le formulaire, s'il vous plaît, vos noms de fichiers, là, essayez de. Peu importe dans quoi, là, mettez pas d'accent, mettez pas d'apostrophe, mettez pas d'espace, puis mettez pas de E accent aigu ou de genre de signe de pourcentage. Ça vient tout casser, ces affaires-là. Fait que jamais, jamais dans les URL, dans les fichiers, mettez pas d'accent, mettez pas d'espace, mettez pas d'apostrophe. Au moins, là, on va en sauver une bonne batch. Là. Les gens m'écrivent, ton formulaire marche pas, ils m'envoient leur fichier, puis c'est le temps qu'il y a un espace, ils ont mis un 3-4 dièses d'affaires par rapport dans les noms de fichiers, ça vient briser le. Moi, j'ai retweeté ce tweet-là parce que je trouvais ça important. S'il vous plaît, faites attention. Puis sinon, non, j'ai eu à gosser pour Nubik dans des serveurs sur Amazon. Belle partie de plaisir. On a eu un beau une semaine ou deux intense, moi, puis à essayer de figurer comment qu'on passait un serveur Ubuntu de zéro là, pour monter un site web avec une base de données puis tout ça. Pis, c'est qu'en fait, on migrait un serveur Windows qui nous coûtait comme 150$ US par mois. Exact. Pour juste rouler en WordPress puis qu'il y avait de la misère sur la performance, à une belle architecture avec deux sandbox puis un prod Ubuntu. Que tu peux déployer avec un Python. Là. C'est ça, on cherchait une manière aussi de faire un flow de déploiement entre le sandbox, la production qui est simple, parce qu'en WordPress, c'est la base de données, de les fichiers, de sortes d'affaires à tenir en compte. Fait que finalement, j'ai monté Jenkins. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Yes, man, c'est tellement pratique, Jenkins. Yes, hein. Je l'avais fait dans mon autre job avant, un projet similaire, puis là, je l'ai reparti de zéro, puis ça va tellement bien. Tu peux tout faire en SSH, puis tous tes serveurs se parlent un dans l'autre. Fait que. Non, c'est numéro un si vous cherchez quelque chose pour faire de la synchro de serveur, là, Jenkins. Jenkins, c'est vraiment, c'est une bulle machine. Là. Ouais, puis j'ai même permis de faire des backups de la base de données que je zippais, que j'envoyais sur S3, mettons, ailleurs. Fait que c'est très cool comme système. La seule affaire qu'il faut penser, c'est que quand tu fais un site web de même, tu vas en production, faut pas que tu donnes un 777 sur le folder.git. Non, c'est important. Sinon, surtout des courriels de monde qui disent « Hey, votre site n'est pas sécuritaire, voici l'architecture. Oh, qu'est-ce qui se passe? » Ça faisait peut-être 3 semaines que je recevais ces emails-là, puis ce matin, en fait, j'en reçois un autre. Cherche et quoi, puis cherche le monde qui a reçu ces emails-là. Parce qu'on dirait que c'est un bot qui scanne les sites web et qui envoie des emails avec un screenshot. Tu sais. Puis là, finalement, ben c'était ça. Fait que si tu allais sur le site web avec le point git à la fin, tu vas cloner et avoir toute la source. Fait qu'on va corriger ça. Ouais, j'avais la même réflexion. Il est sur ma feuille en arrière de moi qu'il faut que je fasse ça bientôt, genre demain matin probablement. Là. C'est qui a eu la brillante idée de mettre ça en 777? C'est sûrement moi. C'est sûrement quand je faisais de la migration puis que je faisais des tests où j'ai dû le mettre en 744, quelque chose du genre. Là, puis j'ai pas pensé du tout à cela. J'ai juste fait sur le folder parce qu'il y avait des problèmes de permission puis il fallait qu'on le sorte. Là, puis ouais, faut revenir là-dessus puis qu'on corrige ça. Mais bizarrement, j'ai des problèmes inverse que à chaque mois WordPress crée des subfolders pour les images. Okay. Puis à chaque fois qu'il en crée un, il n'y a jamais une bonne petite permission. Puis j'ai pas trouvé pourquoi, puis c'est clairement le user qui crée. Les permissions dans Linux, c'est raide. C'est quand même pas évident quand t'es pas habitué de faire du Linux. Ça marche avec des groupes aussi, parce que là, les droits sont cités sur un groupe web. J'en ai appris un peu en le faisant, mais je suis pas encore un expert en Linux. Ça reste quand même assez basic comparativement à ce que tu veux faire avec Active Directory. Là. Ah, sûrement, j'imagine. Là. Ouais, c'est assez basic. Bon. Puis sinon, ben RZO, ça a quand même avancé. Là. Il y a des modifs qui s'en viennent, mais les gens les verront pas parce que c'est des modifs pour les podcasters en tant que tel. J'ai fait un admin pour les podcasters. Fait que tous ceux qui ont un podcast vont avoir leur propre panneau avec tous leurs podcasts dedans. Ils vont pouvoir aller éditer les liens, éditer les épisodes de podcast, changer leurs images. Question que le monde arrête de m'achaler avec ça. Hey, c'est une méchante bonne idée, ouais. Ça. Puis ils vont un piton en haut, refresh my feed, là, parce que des fois, le cron job automatique bloque, je sais pas pourquoi. Là, puis il y a du monde, ah, mon épisode n'est pas là, là, je le roule à bras à chaque fois. Non, on va vous faire un petit piton, là, vous allez peser dessus, puis ça va le faire automatiquement quand ça marchera pas. Comment s'enlever de la job facilement, j'aime ça. Comment faire de la job pour s'en enlever plus tard? Parce exact. Que là, on a rendu à quoi, 97, 98 podcasts. Wow. Ça peut pas gérer tout le monde, là. Ça vient un petit peu difficile. Fait que je vais leur donner un peu de responsabilité et un peu de liberté. Là. Non, ça me surprend à chaque fois, les podcasts que tu as juste comme... Ils étaient où, eux autres? Je sais pas, j'en entends tout le temps. Souvent, moi aussi, c'est souvent des podcasts que j'ai jamais entendu parler. Fait que c'est vraiment une compagnie ou une communauté disparate au Québec. Hein. Ouais, les gens se parlent pas ou ont pas de point central vraiment. Il y a une communauté là, Podcaster Québec, je pense que ça s'appelle sur Facebook, qui est fermée, que vous pouvez joindre si vous avez un podcast. Là. C'est une genre de place de ressources pour les podcasts C'était l'ancien groupe de RZO qu'on a converti, moi puis Pierre-Luc, de Trois-Bières en, en genre de groupe ressources pour les podcasters. Ouais, c'est clair. Ben, mais je vais refaire quand même un groupe privé de RZO éventuellement pour parler au monde plus facilement. Ouais. Puis, ouais, le fait d'avoir fait ça pour RZO aussi, ça fait que les gens vont pouvoir mettre des bannières d'épisodes sur leur page d'épisodes aussi. Fait que ce sera pas juste le logo. Mais ça amène à un point que me fait vraiment chier puis que je comprends pas encore que c'est pas changé. Quand tu postes sur Facebook, Facebook se fout complètement du JavaScript dans ta page. Fait que si tu as changé dynamiquement tes méta, tes images, lui, il s'en calisse, là. Il va te mettre l'image de base. Fait que là, il faut que tu pognes un serveur ou quelque chose qui, en JavaScript, redirige vers un autre serveur qui interprète ton code, qui le repousse à Facebook. C'est vraiment de la merde. Je comprends pas. Non, mais ça serait compliqué aussi parce que Facebook, lui, tu pastes l'URL puis il fait une query pour aller se mettre ça en cache, tu sais. Ouais. Puis là, sa cache, il faudrait qu'il exécute du JavaScript. Non, mais je comprends le point, mais c'est poche, là. Faut vraiment que tu développes des affaires à côté pour pouvoir faire quand ton site, tu as une application fermée d'une page qui sort l'autre jamais. Ouais, tu peux pas le faire autrement que de passer par des. Une solution serait pas de faire une génération statique de la page. Ben, c'est un peu ça, je pense, y a des services qui le font, en fait, là. Okay. Je pense que c'est ce qu'ils font eux autres mêmes. Sinon, ça te prend genre un serveur Node.js à côté, puis là, t'as des affaires qui redirigent, puis ça devient vraiment compliqué, puis d'après moi, c'est ce que je vais faire, là. Parce que sinon, il faut que je le paye, le serveur, puis ça me gosse un peu, parce que c'est déjà tout moi qui paye ça, ces affaires-là. C'est ça. Le petit 8-10 piastres de S3 qui passe par moi, les gens le voient pas, là, mais c'est moi qui le paye. Je suis comme, ok, ça commence à remonter de plus en plus avec les images puis les photos, fait que... J'ai pas envie non plus de faire payer les podcasters ni les fans. Faut que je sois pas là. Peut-être me partir un petit Patreon. Ben, Patreon, c'est ça que j'allais dire. Partons un Patreon. Je vais partir un Patreon, je pense, Young Media qui va englober tous mes projets, sauf Rétro Nouveau parce qu'il y a déjà son Patreon à côté. Là. Ouais. Puis je vais être bien clair aussi que le Patreon va servir à la plateforme et non aux podcasts qui sont sur RZO. Ça, c'est un... Je vais pas faire de l'argent sur le dos du monde non plus. Fait que je suis comme un peu en deux affaires, là, mais c'est ça pour moi, en fait. Cool. T'as-tu une... Moi, mon bord, j'ai travaillé sur bien des affaires pour l'arcade, comme d'habitude. En fait, la dernière fois, je pense qu'on a fait un podcast, j'avais un projet de faire un software qui roule sur une TV dans le bord, pogne notre feed Facebook, les photos qui sont là, qui pogne aussi sur Salesforce, tous nos gagnants récents avec les photos. J'avais bien des problèmes d'authentification, tout ça, mais à un moment donné, ça roulait, ça a fini par tout casser. En fait, c'est que tout ça, c'était une page web, tu sais, puis quand la page web avait un erreur JavaScript, ça arrêtait, fait qu'il fallait que je le reparte, puis des fois, l'erreur JavaScript, c'est parce que le net était planté, puis là, il fallait que je fasse une belle gestion d'exception, puis... Pas le temps de faire ça, de la gestion d'exception. C'est ça, c'est pour les faibles, ça. Ouais. Les try-catch pour le monde qui ne savent pas ce qu'ils font. Je try-catch tout, mais pas les méfinis. Mais c'est ça, puis c'était un peu compliqué quand même, tu sais, le UI, on l'a fait super fancy, là, c'était super beau, mais c'était raide un peu. Fait que finalement, on l'a retravaillé pour que on a juste un Dropbox, qu'on met des fichiers dedans, puis là, j'ai une application .net qui pogne les fichiers-là, puis qui affiche ça full screen sur un écran. C'est super simple, l'API de Dropbox, assez simple aussi. La seule affaire, c'est l'API de Dropbox. J'ai pas trouvé de manière de s'authentifier sans passer par autre. Fait que là, toutes les fois, je pars l'application. Faut qu'il y ait une page web qui ouvre, puis je fais « Ah oui, je veux la louer », tu sais. Puis il faut que je sois logué sur le bon compte. Ouais. Puis, C'était ton seul, ça? C'est de la famille. Ah non, le autre, c'est tellement de la merde. Ben, c'est bon, puis non, tu sais. C'est bon. Pour genre des applications cross-web. Mais dès que tu t'implites de quelque chose de desktop, là-dedans, c'est vraiment de la merde. Ouais, parce que là, en plus, si tu veux que l'application reçoive le fait que tu t'as pesé sur Allure, faut que tu te fasses un serveur web. Ouais, parce que, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je pull Dropbox. OK, y a-tu un token? Puis là, à un moment donné, il est là. Puis s'il n'est pas là, ben je loupe tout le temps. Puis. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un widget de page web. Tu t'authentifies dans Google, tu fais accepter, puis derrière, quand il reçoit la page, il parse dans la page, il y a-tu comme le tel nom d'élément HTML, il parse le token, puis ah ouais, il a fini, genre. Tu sais, c'est broche à foin. C'est vraiment broche à foin. Parce qu'il parse le HTML. C'est un peu dégueulasse. Là. C'est vraiment dégueulasse. Patché par-dessus du patching. Puis avant, tu sais, juste pour te dire, à ma année, genre, ça roulait, ça utilisait comme le Internet Explorer. Pas mané, ça Google dit ah ton browser il est trop vieux, ça marche plus comme poche. Fait que là en panique, genre j'essaie de trouver un truc qui bundle Chrome en .net. Ah c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Tu sais, genre, il y a des problèmes de rafraîchissement, de refresh d'image. Fait que là, tu tapes ça coche, là, c'est comme qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, c'est pour patcher, pour aider au moins finir jusqu'à la fin, là, mais c'est pas malade. Mais ça marchait bien ton logiciel parce qu'il y a un mercredi j'avais été parce qu'il y avait Dodon Patchy contre des shooters. Fait que moi je suis comme je vais y aller, moi le finir Dodon Patchy si personne l'a fait. Je t'ai dit, hey, je t'ai texté ton écran est freezé. T'as une minute. OK, regarde. c'est beau, ça marche. Okay, ben, wow, en fait, c'est magique, j'ai accès à TeamViewer à wow, tout, là, tu sais. Wow. Fait que quand il y a un problème, moi, je peux me loguer sur l'ordi puis faire ce que je veux. Wow. Nice. Mais là, ça marche bien, vu que c'est un software aussi, là. J'ai fait un try-catch, tu sais. Puis, ça règle tous les problèmes. C'est plus simple quand JavaScript. Fait que là, ça marche pas pire bien. La seule affaire que j'aime pas, c'est que, mettons qu'on a 5 images, ben à chaque fois, je les redownload plutôt que les mettre en cache. Ah ouais. Mais c'est juste, ça me tente pas de le coder. Là. C'est encore lié, ça. Ouais. C'est ça. Pour faire aussi un petit segue, on parlait de Holt. On s'est mis à job à Nubik à utiliser un browser qui s'appelle Welkin. Je pense qu'on en a peut-être parlé un petit affaire la dernière fois. Un IDE. Ah, OK. C'est pour ça que j'étais comme chercher browser. Ouais, on avait parlé le IDE qui est basé sur Visual Studio. Tu sais que c'était comme un white label de Visual Studio. Ouais, là. Ouais, ouais. Justement, lui, il y a une implémentation de Holt. C'est que tu peux connecter ton environnement à Sageforce via Holt. C'est ce que je fais. Puis il faut que je me réauthentifie à chaque matin. Ouais, là, ça, le token, ça, c'est Sageforce. Tu sais. Mais quand tu veux t'authentifier, qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est qu'il pop un browser par défaut. Il se fait un serveur web à l'interne sur le port 80-84. Ton browser, une fois logué, il te redirige vers là. Puis il fait juste afficher OK. Ouais. Fait que là, là, il dit OK, il faut que tu le fermes. Puis là, ton software, il a détecté ouais, qu'il a retourné OK. C'est vraiment weird. Alors, le Holt, c'est vraiment pas fait pour le desktop. Là. C'est bizarre. Vraiment pas. Mais ça, j'ai parlant de Salesforce, j'ai vu qu'il y avait. Comment ça s'appelle ça? Il y a une compagnie de Québec qui développe un add-on Visual Studio pour Salesforce. Ah, pas ça. Ah ouais. Possible. Ouais, j'ai vu ça sur GitHub. Ben, c'est un de mes amis de Cécile, genre, qui travaille à Québec dans une compagnie. Puis c'est sa compagnie qui fait ça. Je suis comme, oh, ouais. J'ai pensé à vous autres tout de suite, évidemment. T'sais. Ouais, si t'as un nom de compagnie ou un nom de software, ça m'aiderait. Mais, attends un peu, moi, checker là, c'est comme live, là, je vais checker mon cellulaire. Là. Mais on a parlé à l'épisode 3 des certifications. C'est vrai, entre les podcasts, je suis devenu certifié Salesforce officiellement. Ouais, ah oui, tu l'as passé, c'est vrai. Là. Tabarnak, ça a été dur. Ça m'a pris 3 shots, là. Ben. Le deuxième coup, j'ai été vraiment niaiseux. Là. J'ai... Coveo. Coveo. Ça me dit quoi, Coveo? C-O-V-E-O? Ouais. Ah, ben oui, on a eu un call avec eux autres. Il n'y a pas longtemps, ils font un engin de recherche, dans le fond. Là, T'étais-tu là sur ce call-là? Je pense que non. En fait, eux, ils font... c'est vraiment un agrégateur de recherche sur toutes tes datas, plus de l'externe. Puis tu, ah, tu, c'est cool. Ça. On est en entente de partnership avec eux autres. Là. On est en train de dealer ça en ce moment. Nice. Là. C'est vraiment cool. Fait quoi, pas facile les certifications Salesforce. Il y a des pognes dans le texte puis dans les choix de réponse tout le temps. C'est... Je suis content de l'avoir fait, mais ça a l'air que j'ai sauté les étapes. Là. J'aurais dû faire... Je me suis dit que j'aurais dû faire App Builder avant de faire le développeur 1. Ouais, t'es pas fait ça par moi. Ben non, pas toi. Tu me dis, ah, t'es capable, tu m'as pris 3 shots. Puis je l'ai eu, là. Mais... Ah, Chris, tu vois, t'es capable, là. Ben ouais, je l'ai eu. J'ai saigné des yeux un peu. Hey, j'étais nerveux, là, la troisième fois. Je suis comme sacrament, m'a piché mon clavier si je l'ai pas, là. Puis, tu sais, parce qu'ils te font chier. Ils disent pas qu'est-ce que t'as manqué. Ils disent pas. Fail. J'ai manqué une question, j'ai manqué 20, là. C'est quoi, là? Ouais, à la fin, tu fais juste payer submit, puis ça dit fail ou success. Ouais, en fait, non, juste avant, t'as une page qui l'autre. T'as une affaire qui t'affiche de quoi, juste te dire, OK, clique là. C'est un petit survey avant de te donner ton résultat, genre si t'as apprécié le test ou quelque chose de même, puis on le lit jamais, on est bien trop nerveux. Ouais, ouais, je suis la grosse goutte ici, là. Non, fait que j'ai passé ça. Fait que maintenant, j'ai le temps, mon petit coton ouaté Salesforce développeur sur le dos, même quand il fait 40 degrés dans le bureau. Ouais. Il est alors, trempe, ouais, tu le mérites. Alors, je l'ai mérité pour vrai. Mais j'avais dit à Ellie, je le mets pas tant que j'ai pas passé la certification. Puis là, quand je l'ai passé, il faisait, je pense, 35 dans le bureau, puis je l'avais sous moi. Je suis comme, OK, je l'enlève. C'est bon, on a compris, là. On a compris le concept. Fait que, bon, on va commencer. T'as fait du live coding? Oui, ben, au dernier épisode, je sais pas quel épisode, je sais pas si c'est le 3 ou le 4. C'est le 4 la dernière fois qu'on a enregistré. Ben, c'était la même journée, en fait, qu'on a fait les ben, c'est ça, c'est pour ça qu'on je sais plus trop. Là. Je sais que c'était la dernière fois. Live coding, un service pas mal nice pour faire du live coding, ben, c'est un peu ça. Ouais. Fait que j'ai été le premier qui était assez courageux pour le faire entre nous trois. Ouais, ouais. Et le seul, je pense. Et le seul, parce qu'Élie s'est essayé, il fait « Ah, fuck off ». Puis non, ben vraiment cool, j'ai eu beaucoup de monde, évidemment, de notre ami pas technicien qui regardait ça, qui saignait du nez. Mais il était bien bandé pareil. On dira pas c'est qui. On dira pas c'est qui, mais il va se reconnaître, puis il va nous saluer, puis il va être une vidéo de Top Gun à l'arcade demain. Est-ce qu'on parle de celui qui jouait à Breakout pendant qu'on jouait à des jeux incroyables au Gaming? On va en parler tantôt de nos jeux. On parle de cette même personne-là, effectivement. On le salue, le membre silencieux. Moi, étrangement, je sais pas, j'ai comme... T'sais, Ellie, t'as aimé dit, ça, le fun? J'ai aimé ça, man. C'était vraiment le fun. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde qui sont venus, même du monde comme, que je connaissais pas. Du monde nowhere qui sont comme tombés sur mon chien. C'est comme, hey, pourquoi tu fais pas un move constructor? Ah, t'as raison, je vais faire un move constructor. Là, je le fais, genre. Puis j'ai pas. Contrairement à Ellie qui dit qu'il y a beaucoup de misère à comme parler en codant, j'ai remarqué que j'ai pas tant de problèmes avec ça. Genre, c'est vraiment vu comme naturellement à comme parler en même temps. Je pense que ça dépend comment ça se passe dans ta tête en même temps. Ouais, ouais, c'est ça. Aussi, si tu as tu t'en vas. Je savais ce que je m'en allais. Tu sais, c'est juste que des fois, c'est que, ah ouais, c'est vrai. Parce que j'ai déjà codé. En gros, si le premier live stream, j'ai fait un système de réflexion vraiment boboche. C'est avec des macros. Là, de base, le système le similaire que j'ai fait à la job, il y a un beau code generator qui génère tout ce code de merde-là pour toi. Mais je me suis dit, ça ne tente pas. C'est un projet vraiment comme. C'est pour le projet d'Arcade Montréal. Pour justement aider à lire puis à. Ben, c'est réalisé en lire, en écriture, pour un fichier JSON. Fait que tous mes fichiers. Moi, il plug, ça vient. J'ai les commandites, d'ailleurs. Exact. La BAT 5 ans. Harvard. Harvard. Je bois un Roman Coke dans un verre à vin. Je fais 5 podcasts cette semaine, faut que je me mélange. Fait qu'avec tout ça, ça m'a permis de faire comme une histoire de UI, comme in-game, si tu veux, genre comme inline. Puis je fais save, puis ça sauvegarde tout, comme du monde, avec toutes les propriétés. Ça génère un property grid avec EMGUI, qui est comme un système de GUI, genre fait pour les jeux vidéo, qui est vraiment, vraiment nice. Bien apprécié ça. Fait que. Puis le monde aimait ça. J'ai reçu des emails, je sais pas si de live coding dit que j'expliquais bien. Ah, ouais. Tandis que je voulais que c'était un mentor, un truc comme ça, j'ai pas répondu. Pas juste ça à faire. Tu l'as-tu fait en français ou en anglais? Je l'ai fait en français parce que ça ne tentait pas. J'ai déjà fait un live stream que je faisais un hack de Mission 1 en anglais. Puis j'aime pas ça. J'étais comme fuck off. Là. Je veux parler dans ma langue. Là, t'sais, on est au Québec. Là, pis... Ben ouais, fuck off. Puis il y a pas tant de trucs qui parlent en français, surtout en québécois, de programmation. Ouais, il y en a très très peu. Mais je me demande si on devrait pas le faire du live coding, mais c'est notre Facebook live direct au lieu de passer par live coding. Bon, on pourrait faire ça. Là. On pourrait l'essayer là. On ben, pourrait... si je veux dire, si j'utilise OBS anyway, genre. Fait que, c'est ça, là, tu sais. Ou moi, explique, là. Toi aussi, c'est explique, Ellie. Fait que, on pourrait l'essayer de le faire directement là-dedans au lieu de passer par un autre service. Puis on générerait du contenu sur la page. On pourrait rendre cette page-là un peu un genre de communauté de programmeurs québécois. Là, ouais, ben, il y a déjà pas mal de programmeurs qui rejoignent ça. J'aime beaucoup ça. Ouais, ben, j'essaie de poster bien les images funny que je trouvais qui venaient tout le temps du compte Twitter de Live Coding, d'ailleurs. Là, oui. Mais eux l'ont pris ailleurs, fait que je m'en fous de leur ouais, leur c'est contenu, ça. Mais c'est, ouais, j'essaie c'est, de générer ça. Mais ouais, c'est toujours les mêmes affaires. C'est comme, ah, oh, je check mon code, je le comprends pas. Ah, oh, je comprends. C'est ça. Le même genre de joke. Attention, on fait un release. Non, non, pas aujourd'hui. C'est un vendredi. C'est le temps des gags de même. Là. Ouais, c'est ça. Ou des programmeurs qui sont sales, c'est des programmeurs qui ont des jobs. Ceux qui sont habillés en saut, c'est parce qu'ils cherchent une job. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai fait le résumé d'à peu près 3 mois d'activité sur la page de la boucle. Ouais, encore. Non, j'ai fait du live stream de jeu, moi. C'est vrai, on va en parler à la fin. On va en parler tout à l'heure. Sinon, la vie est trop courte pour enlever ses USB de manière sécuritaire. Une des bonnes que j'avais trouvé, c'était une tasse, puis c'est marqué JavaScript as no class dessus. Ah oui. J'ai trouvé 40, là. Ouais, oui, c'est quoi? Je pense que j'avais déjà partagé un article qui chiait sur le JavaScript. C'est comme, voyons, l'autre qui aime le JavaScript, c'est pareil comme ceux qui aiment le 64. Puis moi, je te réponds, moi, j'ai les deux. Mais ça, c'est dans le chat privé. On aurait dû partager sur la page. C'était genre une image qui comparait comme la Sainte Trinité à des comparaisons de JavaScript. Genre, ouais, je me rappelle. Ouais. Mais le live coding, c'est-tu quelque chose que tu as refait? Non, parce que justement, j'ai comme fait une soirée, j'étais bien que je trouvais ça super cool. Puis j'ai arrivé une soirée, puis là, j'ai dit, ah, ça ne tente pas. C'est ça le problème avec le live, là, c'est de se donner le coup de le faire parce que ça prend rien de plus pour le partir. C'est non, comme... c'est ça. C'est juste que j'avais le goût, de coder tout seul dans ma tête. C'est ça, dans ta bulle. Là. Ouais, c'est ça. Vu que j'ai choqué une fois, mais là, comme à revenir en plein milieu, puis là, t'es comme. T'as manqué un épisode. Ouais, c'est le ça. Le gars, il manque des bouts de code. Ouais. Mais t'as fait ta classe, là. L'ai pas vu, c'est ça, tu sais. J'ai pas refait, mais toujours, j'aime bien ça pareil. Là, mais j'essaierai, moi aussi, de bord. J'exposerai le code dans RZO que je vais montrer comment c'est dégueulasse quand on va rire de toi. Vous allez rire de mes classes, toutes faites en JavaScript avec du Angular qui est même plus à jour, qui marche plus parce qu'il n'y a plus de contrôleur. Je l'avais fait, moi, j'ai fait un test, tu sais, je l'ai pas publié rien, mais je trouvais ça vraiment spécial parce que, en fait, juste le fait qu'il faut quasiment que tu dédies un écran à voir le chat, tu sais. Parce qu'il y a du monde qui te join, là. Oui, vraiment. T'as du monde nowhere que t'as jamais entendu parler qui te join puis qui te pose des questions puis essaie d'interagir avec toi. C'est bien spécial, là. Ben, j'ai ça aussi quand je le fais pour Rétro Nouveau, pour les Let's Play. Des fois, j'ai un iPad avec les commentaires qui passent, puis il y a du monde qui me parle pendant que je joue, puis je te connais pas. Hey, merci, salut. C'est super cool, là. Puis, t'as du monde qui était comme, hey, finalement, il y a un French Canadien qui est sur live coding, tu sais. Ouais, je pense que lui qui participait le plus, c'était un Français de France. Là. C'est quand même lui qui nous suggérait, puis là, il s'en a l'air d'un programmeur C++, lui aussi. Puis... Ouais, c'est sûr que tu restes sur live coding, tu vas aller pogner la crowd de live coding. Un peu comme si tu vas sur Twitch, tu vas pogner la crowd de Twitch, mais ça dépend qui tu veux qui tu recherches dans le fond comme non, public. J'ai fait ça, c'était le fun, j'ai expérimenté, je le ferai pas. Parce que justement, je comme quand j'ai le goût de programmer chez nous en fin de semaine, j'ai le goût d'être dans ma bulle, pas le goût de partir. C'est ça. C'est juste être goût d'être dans ma bulle. Fait que... J'ai rarement le goût de programmer, je dirais, moi, chez nous. Parce que j'ai quelque chose à faire qu'il faut que je programme, que je le fais. J'aime mieux faire d'autres choses que de la programmation normalement. J'aime mieux faire du montage vidéo, mais là, j'en fais plus. Fait que je fais de la programmation. Ouais, c'est ça. Mais je me parle vraiment comme, hey, je vais me faire un projet juste pour le fun. Ça arrive à peu près pas, ça. Ben, c'est pas de temps juste pour le fun. Ouais, il y a un point. Tant qu'à le faire, on s'en servait pour faire quelque chose avec. C'est ça. Là. Moi, j'ai tout le temps un besoin en arrière, mais je le pousse un peu plus juste pour le fun. Tu sais, comme les projets d'arcade. Ouais, ouais. Je suis en train de coder quelque chose pour l'arcade ou d'avancer une petite affaire, mais ça sert à l'arcade. Je m'amuserais pas à faire un software qui affiche des affaires bizarres sur un écran pour le fun. Là. Ouais, non, c'est clair. Peut-être tu fais une démo, même. Ouais. Non, non. Non, je suis pas rendu non plus. Ah. Il s'est passé quelque chose pendant qu'on était absent. Il y a eu, on va appeler ça le DDoS, l'attaque des serveurs, des noms de domaine. On va essayer de le vulgariser un peu pour ceux qui ne savent pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans ces journées-là. Ouais. T'étais pas en vacances, fait que c'est pas à cause non, c'est pas de ma faute. C'est pas moi. C'est pas de ta faute. Mes sites sont tous sécurisés. Mais en gros. Tu peux expliquer la joke, genre, entre nous autres, on considère comme. GF comme le Jésus de l'Internet. Puis à chaque fois qu'il part en vacances, genre. Peut-être quelque chose qui pète. Peut-être quelque chose qui pète, genre, dans le site des rétro nouveaux, whatever. Fait que là, on était comme, qui? Non, GF, pourquoi t'es parti en vacances? Fait que c'est ça la joke. Mais ben non, ça, tout est rendu stable. Ça plante moins quand je suis pas là de ce temps-ci. C'est correct. Fait que DDoS. Ouais, grosse attaque. Distributed Denial of Service Attack. J'étais allé checker sur Google pour être sûr de le dire comme il faut. Ouais. T'sais, en gros, je pense qu'un DDoS, c'est quand même simple. Là. C'est une attaque. C'est plein de monde qui vont requester le même serveur en même temps. Ouais, qui vont essayer de flooder plein de paquets à ce paquet-là. Exact. À ce serveur-là pour que c'est d'envoyer trop de demandes à un serveur qui va finir par crasher parce qu'il n'y a plus de ressources pour allouer les demandes. Le sur le site de retronouveau.ca, c'est 15 millions de personnes en même temps qui arrivent. Oh, ouais, c'est clair, tombe down, le serveur est pas assez fort. C'est clair. Puis c'est souvent ce qui arrive dans les Black Friday. Mettons Best Buy tombe down. Exact. Exactement. Moi, je travaillais chez Lolé avant. Puis Lolé, Black Friday tombait tout le temps down. Peu importe ce qu'on faisait. Le monde chiale souvent, par exemple, hey, là, tu n'as pas checké ton serveur. C'est dur à prévoir. Là, c'est dur. T'as beau mettre 10-12 serveurs avec du load balancing, c'est pas tout le temps 100% efficace. Puis là, ben, ça a été pris pour faire du mal, dans le fond. Là, juste non, à ben, attaquer en fait, des sites. Là. Aussi, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que quand tu veux faire un DDoS ou quelqu'un veut faire un DDoS, ben, tu peux pas juste dire, ben moi, je prends mon ordi puis j'arrête pas de rafraîchir la page d'Amazon.ca ou de Twitter non, que t'es down, là, c'est passé. En fait, c'est un botnet, c'est un paquet d'ordi infectés avec un virus qui vont tous se mettre à attaquer. Celui-là, par contre, super spécial, c'est le premier des DDoS que moi j'appelle IoT. C'est les caméras qui ont attaqué les serveurs. Fait qu'il y a un paquet de caméras. Les caméras vont tout le temps chercher un serveur, par exemple, pour aller voir des updates de firmware ou quoi que ce soit. Ils ont été hackés pour... à place, attaquer Twitter ou attaquer n'importe quoi d'autre. Fait que là, toutes les caméras de telle marque se sont mis en même temps à attaquer un serveur. Le serveur a pas réussi à répondre. Fait qu'il est non, c'est clair. Ben, ça, il y a pas juste des caméras, mais il me semble qu'il y avait comme des Raspberry Pi qui a été comme mis en ouais, réseau. Ouais, il y avait plus que ça, mais je pense que le gros, c'était ils ont spoté le manufacturier de la caméra qui aurait présenté peut-être 50% de l'attaque qu'il y a eu. Là. Mais tu as mentionné le IoT, les fait, Internet of Things, la première fois qu'on en parle, je pense, au podcast, ça a des risques de briser des choses de cette façon-là aussi. Puis c'est en fait, l'Internet of Things, c'est les objets connectés. Là. C'est ça, en gros. Ouais. C'est des devices vraiment pas chers que tu peux quand même faire des petites programmations. C'est n'importe quoi qui est connecté sur Internet. Tu sais, ta montre fait partie du IoT. On avait été à Trailhead à San Francisco, il montrait des affaires d'IoT. Le gars, il ouvrait sa porte par son téléphone, genre où il pouvait fermer les lumières. Tout ça, c'est tout du IoT. Ta laveuse qui t'envoie un message texte pour te dire que ton cycle est terminé. C'est du IoT aussi. Mais c'est ça, ça ouvre la porte à du hacking, là, ça, beaucoup, je pense. Je sais pas à quel point c'est secure, ces objets-là. Pis... C'est plus parce qu'il y en a vraiment beaucoup, en fait. Ouais, puis ça va pas aller en réduisant. Non, c'est ça. Fait que, avant, tu sais, les botnets, c'était vraiment justement des virus que le monde infectait. Puis... plein d'ordinateurs endormis. Mais là, c'est comme rendu comme un autre scale parce que c'est qu'il y a plein de petits devices qui ne s'entendaient pas, qui se fassent hacker, qui servent pour faire des DDoS. Là. Ouais, ouais. Ben, les affaires aussi que je pense qu'il va faire, c'est que ça va créer des devices un peu fantômes là, qui vont envoyer des données tout le temps pour aucune raison. Puis ça, on y pense pas non plus souvent, mais c'est de la pollution, là, des données comme ça. Ça demande du jus de serveur, fait que ça demande de l'électricité, fait que ça demande de la ressource. Fait que plus t'en envoies, plus ça demande de la ressource, puis des fois, ça sert pas grand-chose. Puis je suis sûr qu'il va y avoir des objets qui vont t'envoyer des données dans le vide. Là, qui vont servir à rien. Mais je pense que c'est déjà comme ça. Ben ouais, c'est clair. Il y a du monde qui se sont mis à chialer quand ils se sont rendus compte que Pokémon Go envoyait des données de localisation à un serveur. T'sais. Mais après ça, ils sont allés sur Facebook puis ils ont marqué « Hey, Pokémon Go envoie mes données à un serveur, je suis fâché. » Mais c'est marqué Facebook de où tu l'as posté. C'est ça. Oui, mais tout envoie tes données partout, tout le temps. Là, faut pas, à Star, oui. Là. Ton char, il fait ça. Là. Les devices d'assurance, inquiète pas qu'ils savent t'es où, n'importe quand. Là, ton téléphone en partant, Le Find My iPhone que tu peux activer qui peut traquer ton téléphone si tu te le fais voler. Ben, même si tu l'actives pas, ils savent t'es où. Là. Ouais. C'est comme Facebook, c'est mon numéro de téléphone. Tout le monde, c'est ton numéro de téléphone. L'Internet, c'est ton numéro de téléphone. L'Internet te connaît plus que Facebook. Là. C'est sûr. Là. Puis, si Facebook, c'est ton numéro de téléphone, c'est parce que c'est toi qui l'as mis dedans aussi. Là. En plus, là. Ouais. On va se le dire. Là. Mais non, mais c'est ton téléphone, Facebook. Ouais, il y a ça aussi. Il est capable d'aller récupérer, j'avoue. Je vais faire bien ce qu'il veut. Puis en plus, là, il est rendu bindé sur les messages textes puis sur toutes ces affaires-là. Ouais, sur tes contacts. Il a le contrôle de tout maintenant. Un envahissement de plus en plus, là, Facebook. Là. Ben, tu le veux pour tes calendriers. Des fois, tes contacts, moi, j'aime pas trop ça qui rentre dans ma dans contact là, de mon téléphone. Moi, ça me dérange pas, point de vue confidentialité. C'est plus que là, je suis habitué de partir mon application de message texte pour aller voir mes messages textes. Mais là, ça me dit, hey, je suis plus l'application par défaut, veux-tu lui en mettre par défaut? Ouais, ouais. Fait que là, je suis dans Facebook, puis à un moment donné, il me demande de quoi. Qu'est-ce qu'il me demande? Oui. Puis là, c'est une boucle infinie. Hey, d'ailleurs, justement, on devrait se faire un logo aussi, à un moment donné. C'est moi qui a fait le beau logo. Là. Ça paraît. Ah ouais. c'était parfait pour les Twitter et les Facebooks, mais pour un live. En général, on peut faire quelque chose qui va plus accrocher le monde. Mais anyway, ça, c'est une discussion à l'interne, mais qu'on va être off. Mais j'ai commandé une badge de 100 t-shirts. Ah, on l'a fait tirer à Arcade Montréal pendant une compétition de TS600. Ouais. Mais le DDoS, il y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Les gens ne peuvent rien faire pour prévenir ça. Ils vendent des devices. Tu peux pas prévoir un DDoS parce que les machines infectées vont savoir arriver puis peu importe. Là, tout va se faire hacker, c'est sûr. Mais ils se vendent des devices quand même. C'est super dispendieux. Puis c'est comme un peu un serveur d'un certain sens qui va se mettre à reconnaître les attaques puis à filtrer. Qu'est-ce qu'il y a un DDoS? Okay. Ça processe super rapide tous tes paquets, puis là, ça se rend compte qu'il y a un pattern, puis ça le discard. Mais c'est juste des gros serveurs. Tu sais, Amazon va avoir ça, ou des grosses affaires, mais chez vous, tu n'auras pas ça. Là. Mais Amazon, c'est les services d'Amazon ont planté, je pense, là-dedans. Dans le Amazon, Twitter, tu sais, des gros sites. Tu sais, j'étais dans le métro, je suis comme. Ah, moi, c'est que Twitter, il marche pas. Genre, je pensais que j'avais un problème de connexion. Là, j'arrive à Adja, je vois spécial. Ça, c'est comme. Ah, OK, c'est pour ça que ça marchait pas. Mais ça, il y a des devices. Sont faites pour ça, sauf que faut que ça soit un CPU qui analyse tes paquets qui rentrent. Il rentre un chiard de paquets. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite CPU. Fait qu'il faut que tu rendes le CPU de plus en plus fort. Plus tu vas le rendre fort, plus le DDoS va venir fort aussi. Fait que c'était une boucle infinie. Oh, encore une fois. Ah, c'est ça, c'est un combat sans fin. Là. Tu peux pas vraiment t'en sortir. Là. Tu sais, t'as bien beau racheter là, autant de serveurs pour l'autre balancing que tu veux à un moment donné. Non, mais ça. Il y a quelque part, ça va te choquer parce qu'il y a trop de paquets. Là. Mais c'est quasiment surprenant qu'il n'y en ait pas plus souvent de voir des attaques de même sur des gros serveurs où ça demande une préparation de faire une attaque comme ça. Ça demande une bonne préparation. Tu sais, quand tu vas envoyer à, je sais pas, 15 millions de caméras un hack pour dire « OK, vous autres, allez prendre ça, c'est raide, là, faut que tu trouves les caméras. » Là. Mais ce hack-là, j'y pense, il n'y avait pas comme un pays qui était comme derrière ça. C'était pas une attaque, genre. C'était pas embedded dans le firmware, là. Ben, mais dans le sens, c'est un pays. Ça a été revendiqué. C'est ça. Je pense que c'était un DDoS revendiqué. Je me trompe-tu? Faudrait aller faire une petite recherche. Ouais, parce que c'est ça, dans le sens, ça en était un. Revendiqué, genre, par la Chine ou la Russie. Ou c'était des rumeurs que c'était revendiqué, mais ça l'était pas, finalement, tu sais. Ça risque d'être plus d'être ça, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'était un DDoS revendiqué. Parce que sinon, c'est ISIS qui nous attaque. Ouais, c'est ça, parce que pourquoi tu voudrais attaquer comme Twitter, genre juste de même, tu sais? Parce que je me souviens qu'il y avait des articles qui parlaient de comme les cyberattaques du futur, ça va être de plus en plus important, puis ça va faire de plus en plus de dommages. Fait que je pense. C'est clair, là. C'est clair, tu sais, tu viens, mettons ici, quelqu'un qui est DDoS à un Desjardins. C'est fait, là. Tu stalles l'économie par un méchant bout, tu sais. Juste les payes traitées par Desjardins, c'est 30%, mettons, des payes ici, là. C'est. Ouais, puis tu peux pas repartir un serveur, puis OK, on repart la batch job. Non, c'est gros. Non, tant que la DDoS est pas finie, tu peux pas revenir. Là, Non, c'est ça. Puis t'as du temps à rattraper quand tu reviens. Là, tes rapports sont de plus en plus longs à générer. Puis ouais, c'est. Ouais. Fait que c'est pas mal le DDoS. C'est ça qui s'est passé. Internet of Things, on en reparlera peut-être plus longuement éventuellement si on en sait un peu plus. Là, il y a quelque chose qui s'en vient d'ailleurs, fait partie de ça un peu, qui est Google Home. Justement, Chris, il sort pas au Canada avant 2017. Je le voulais, Black Friday, ils l'ont annoncé à 99$, puis c'est juste au US. Je suis comme, ah, je le veux! Mais ça fait quoi, il y a Google Home, mettons? C'est comme le c'est Alexa. L'Amazon Echoes, qui est le device, c'est basé sur Alexa. OK, OK. Mais c'est un instant personnel vocal, mettons. Fait que tu fais comme, hey Google, comme ton téléphone, mettons, puis tu dis, parle-moi ma musique, fais-moi telle affaire, tu peux... Je pense que tu peux coder des réponses par rapport à ce que tu dis. Il va décoder des bouts de texte, il va te faire des actions. Ben, de base, c'est que, mettons, tu es assis dans ton salon et tu dis « Hey, qu'est-ce qu'il annonce demain comme température? » Puis il va te le dire. Okay. Là, tu peux coder du stock de plus. Tu peux dire comme « Hey, Google, parle-moi ma playlist de jazz Spotify, mets-le sur mon Apple Play, mettons. » Puis il va te le faire. Shit. Fait que c'est cool, là. Puis on en avait vu à San Francisco. On a failli lâcher les deux, puis on l'avait fait. Là, c'était 200 US, puis on n'était pas reparti avec, mais... C'est parce que c'est des machines intelligentes, fait que tu peux leur apprendre à absorber du texte, que tu vas leur dire, ben, si tu trouves ça dans une phrase, fais telle action. Si t'as ça pis ça, telle autre action, fait que tu peux toi-même coder ce qu'il fait. Un peu genre comme if then, there's, le site genre... If there's no that, là. Ouais, c'est mais, ça. Ouais, sauf que c'est un peu plus technique quand même, là. Mais toi, tu envoies un paquet de synonymes pour tes commandes, puis là, tu définis tes paramètres, ça ressemble à quoi, puis il va t'appeler une fois de temps en temps, tu sais. Okay. Mais tu sais, mettons, t'aurais un API genre, je dis quoi au hasard, sur eBay, mettons, pour aller chercher, tu pourrais coder quoi qui dit, OK, Google, donne-moi donc les 5 listings d'Odonpachi les plus chers aujourd'hui qui sont sortis, puis il pourrait dire, OK, ben tel à tel prix, tu peux coder ça avec ça, là. C'est attends, Chris. Fait que là, je le regardais pour le Black Friday, mais non, il n'est pas disponible avant 2017, malheureusement. C'est soit, mais... ça, je pense que c'est la reconnaissance vocale qui pète ici. Là. Je sais pas. On a tout un accent canadien, même anglais, tu sais, puis en français, c'est encore pire. Là. Ouais. Même le Siri, je ne l'utilise pas, mais Google Now en français Canada, c'est ordinaire aussi. Bizarre, là, non, c'est pas, de faire le tuner. Genre, ils n'ont pas sûrement mis leur neural network à apprendre comme notre accent. Non, c'est ça. Parce qu'aux États, ça marche numéro un, mais ici, moi, je parle à mon char pour essayer de mettre le GPS, puis des fois, je m'ostine avec longtemps. Et tu vois, je disais que je code pas pour le fun. Ça, je le coderais pour le fun, par exemple. Ouais, ça, d'en avoir un, je crois, OK, je vais en développer des affaires de fou avec ça. Là. Ah, ça matisse ta maison, man. C'est sûr que c'est awesome. Là. C'est comme, OK, Google, on part rétro nouveau, brr, tout part en même temps, là, puis tout se met à streamer. Ce serait débile, ça. Hey, dans le prochain studio, ça va être ça. Je serais même pas là, puis tout va se faire. Tom va être bandé, ben raide. Quand le live, il part, c'est Google, part rétro nouveau, puis là, il part de quoi d'autre. Voyons aussi, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, il reconnaît pas ma voix. avant de parler de. Ben, des jeux que Ellie a streamé. On avait une question du public pour cet épisode. Oui. Quelqu'un aujourd'hui nous a demandé Git versus Subversion. Ouais. Qu'est-ce que vous utilisez, vous autres? Git. Les deux. Git moi, sous Bitbucket, souvent. Utilisé Subversion avant, et source unsafe avant, et maintenant Git. C'est dur à dire, je pense. Que ça SVN projets, m'a fait chier parce que SVN te met des dossiers dans chaque dossier de ton architecture. C'est plus le cas, ça. C'est plus le cas, OK. Ben moi, quand j'avais pris, c'était ça. Puis non, c'est réglé depuis la version 1.5. Okay, ben, j'ai dû passer à Git après ça, puis je suis jamais revenu. J'ai jamais regardé. Non, ils ont réglé au moins ce problème. Hey, c'était ridicule. C'était ridicule. Des fichiers partout. Genre. Ah, mon Dieu. Alors, ça fait longtemps que c'est réglé dans SVN. Ça fait vraiment longtemps. Mais moi, ma job, on utilise SVN. Chez Ubisoft, on utilisait Perforce. Puis, de temps en temps, je m'ennuie de Perforce, man. C'est bizarre. Perforce, ça me dirait du tout. Juste le fait que tu peux splitter genre tous tes changements locaux en change list, puis tu peux les partager avec d'autres utilisateurs. On a eu une situation qui est arrivée comme récemment. J'ai pris la tâche de mon collègue, je l'ai mis sur mon ordi, j'ai fait des modifs, j'y ai redonné, puis ça a été des change lists partagés, genre ça a été tu parfait. Tu vas juste faire une branche? Ouais, on a pas mal de fichiers binaires dans nos affaires. Branche, elle devient trop grosse. Ouais, c'est ça. C'est quoi la grosse différence entre Git et Subversion? C'est le modèle lui aussi. SVN, c'est un serveur centralisé qui contient comme toutes les révisions de fichiers. Il faut que tu synchronises. Il faut que tu sois centralisé, tu soumettes à ton serveur. OK. Tandis que Git, tu as toutes les données qu'il te faut pour ton répertoire, je sais pas comment dire, repository. Ton repo, hein. Ton repo, genre localement. Fait que tu peux faire des branches localement, c'est pas grave. Ouais, OK, je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que t'as pas besoin de te connecter à Internet. Faut juste que tu soumettes à quelqu'un. Ça prend quand même. Faut que quand même quelqu'un qui dise ok, c'est moi le master là. Ouais, c'est le gros avantage de Git, c'est ça, il y a pas un point central, faut comme tu le définisses toi-même. Mais ça donne l'avantage, ça donne l'avantage de te faire des branches sur ton local sans synchroniser, puis quand t'as fini tu peux émerger ton code, fait que ça te fait une copie de toi, de ton bar qui affecte jamais personne. Tu peux faire plusieurs commits locales avant de pousser, fait que tu pousses plein de commits en même temps, c'est vraiment pratique aussi. Mais si t'as plein de fichiers binaires aussi, ton Git était pas là. Non, ça, j'ai vu que ça dépend du projet, ça veut dire. Je pense qu'il y a GitHub qui a fait une extension à Git qui permet de genre gérer les fichiers, les gros fichiers binaires mieux un peu, genre il store pas genre dans, je pense dans ton repo, il store un peu séparé puis fait comme juste un lien vers ce fichier là, puis la versionner comme gérer à part. J'ai pas checké ça en détail, j'ai pas eu un article sur Reddit qui parlait de ça, je suis comme ah, ok, ça serait peut-être fun d'investiguer, tu sais, peut-être migrer à cette version. Mais déjà comme juste faire des branches. Sur le prochain projet, on va essayer de le faire peut-être des branches. Tout à pratique. Ouais, c'est ça. C'est, y a pas, y a, on n'a pas une structure genre de trunk, branches, puis tags. Là, on a pas, c'est on pas a tout le monde qui a ça, je te dis. Non, non. C'est pas tout le monde qui fait attention à ce qu'il fait. Des fois, c'est comme, faut que ça se règle. C'est beau. Tu viens tout briser. Ah, shit. Ouais, c'est ça. Comme Ellie qui efface des points achetés access en production, là, sans me le dire. T'as fait ça, toi. T'as ça comme. En fait. Hey, JF, le blog marche plus. Là. Quelqu'un à la job qui me parle. Ah oh, non, ça marche plus non plus. Je suis comme, je regarde, je me mets à regarder. Je calvaire, tout est correct. Je manque un point acheté access, me semble. Je remets. Ah. Puis Ellie, juste avant, il me dit ah, oh, j'ai effacé plein d'affaires qui marchaient pas. Je vais voir dans les commits. Ah. Moi, c'était versionné. Au moins. Ouais, ben, c'est de là l'utilité de Jenkins, c'est que tu vois tout passer puis qui a fait quoi. Fait que j'ai tout vu, j'ai lu les fichiers, puis le premier fichier effacé, point chez access. Ah non, c'est un WordPress, ça prend le point chez access. Non, mais tu sais, le show-là que t'as le dit, peu importe si tu utilises cette version Git aussi. Là. C'est le fun pour ça aussi. Ouais. Mais je sais que Git, il y a plusieurs fonctionnalités. Le monde, il capote beaucoup sur la bisect. Ah. C'est en gros, ça permet de trouver facilement une révision qui a comme scrappé ton code. Genre, tu flags. J'ai jamais vraiment utilisé, mais genre, tu te dis, OK, cette révision-là était correcte. Puis là, tu fais une version 1 à 1. Puis là, tu as flag, OK, ça c'est correct. Ah, c'est pas pire. Ça c'est pas correct. Puis là, il fait comme un binary search des deux affaires. Puis il trouve, genre, quelle ligne de code qui a comme chié un peu. Genre. Mais tu sais, j'ai jamais. Ça, c'est plus des utilisateurs avancés de Git qui ont utilisé. Ouais, ça, je m'en sens pas là-dessus du tout. Là. Non, mais ça, moi, je m'en suis jamais servi parce que j'ai jamais servi avec d'autres mondes. J'ai juste comme. Ça, c'était mes guides, mes repères personnels. Ou genre, j'ai pris un guide de quelqu'un, je l'ai forké, j'ai fait mes modifs, j'ai soumis après, puis c'était fini, tu sais. Puis souvent, si tu l'utilises en console aussi, Git est plus clair que SVN. SVN en console, c'est pas simple. Là. Ouais, Git add, Git commit, puis Git push, Git pull. C'est juste ouais, il y a juste que de base, il faut que tu ajoutes les fichiers que tu modifies dans Git. Ouais, ça, c'est un peu bizarre. Git add point, mettons, ça prend. Sinon, ils sont pas dans ton Git. Ouais, mais... c'est ça. Ça, c'est comme quand tu viens de SVN, c'est comme c'est assez déroutant un peu au début. Puis quand tu commences à le faire en console, puis t'étais pas habitué, tu le faisais avant avec un UI, ben là, t'es comme. Pourquoi mes fichiers passent pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils sont juste pas inclus de base. Fait que faut les ajouter à bras. Fait que git add point. Ouais. Ça vous sauve de tout, ça. Mais c'est quand même une bonne affaire d'apprendre. Commit moins M test. Ouais. Ah oui, ça, je l'ai fait souvent, le tiret M. Fait on a eu un projet, que je pense que c'était juste ça, les commit test, deploy, test. Des fois, t'as pas le temps de niaiser, là. Mais c'est ce qu'avec Heroku, tu sais, on faisait du git. Tu voyais pas les commentaires, fait qu'on faisait juste le mettre pour mettre un commentaire pour qu'il passe, là, dans le fond. Ah, moi, je suis tellement anal, je mets tant plein de commentaires détaillés dans mes affaires. Des fois, genre, juste. Même quand c'est comme. Ça me tente pas, c'est quand même super simple, pareil, mais tu sais, c'est pas juste comme test, je m'en calisse ou des trucs de même. Tu sais, je mets quand même un commentaire qui a quand même un peu de l'allure, tu sais. Non, mais souvent, c'est que je fais un test. Fait que ouais, je veux commiter mon test pour l'envoyer sur le serveur parce que Heroku, pour l'envoyer sur le serveur, faut que tu fasses un git commit. Fait que là, git commit test, tu sais. Ouais. Et moi, je m'en sers beaucoup. Pour mes projets personnels, pour faire un backup. Puis souvent, je travaille sur mon desktop ici. Puis là, je veux travailler dans le salon après le soir un peu sur RZO, mettons. Mais là, je push puis je le pull de mon laptop. Fait que j'ai pas à plug la clé USB, écraser les fichiers. Ah non, j'ai écrasé mes corrections par mon ancienne version. Ça m'est arrivé souvent, ça aussi, avant de le faire, de se tromper de bord de qu'est-ce que t'écrases. Là. Jamais le fun. Non, c'est ça. Puis... Ben, moi, je vais voter pour Git. Git sur Bitbucket avec SourceTree comme logiciel. Ouais. Va très bien. Bitbucket parce que tu peux avoir des repos privés. Privés gratuits. GitLab. GitLab, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'en est un autre, ça. GitLab. Sont gratuits les repos ou tu peux? Ouais, ils sont gratuits. Les privés sont gratuits. Puis t'as comme un GitHub. Dans le fond, t'as un visuel par-dessus beaucoup plus beau que Bitbucket. Wow. Ben, pas super Bitbucket. C'est pas GitHub. C'est pas GitHub, mais t'es. Avec GitLab, t'es proche de GitHub. Wow, t'as aussi du issue tracking, t'as du travail d'équipe. que tu peux faire. T'as un board de issue que tu peux passer, drag and drop dans le temps. Ouais, c'est pas pire ça aussi. Là. Tu peux faire tes branches, tu peux faire du continuous integration. Il y a plein d'affaires vraiment cool avec GitLab à tester. Là. On l'aime bien. On l'utilise à job. Ouais, d'ailleurs, tu me fais penser qu'il faut que je commette plein de projets que j'ai même pas envoyés là-dessus. Comment du tout. Ça? Parce que j'oublie, je suis trop dans le jeu. Ça fait partie de la procédure. Ouais, mais je trouve pas les documents de procédure nulle part. Je t'ai dit. J'aime ça comme excuse. Vous allez lire les documents, ils trouvent pas. Ah, ben, je ne peux pas le faire. Non, c'est parce que moi aussi, je suis sur la garage. Ah, fixe ça tout de suite. Ok, ça marche, là. Mais je pense pas à l'envoyer. Mais moi, tout régler ça. C'est parce que mon gestionnaire de projet me talonne pas assez à le faire, je pense. C'est-à-dire, Illy. Hey, je suis pas un gestionnaire de projet. Non, c'est vrai, t'es c'est quoi ton poste? T'es homme à te faire? C'est... Moi, je suis CTO. CTO? Ah. Ouais, le pompier. Pompier en chef. Ah ouais, c'est ça. J'attends les feux. Lui, Eric Hébert qui nous dit GitHub, GitLab, Gitmo, GitPorn. Je comprends rien. Git ta vie et Git-moi le sac. Get the fuck out. Git. Ah, ça, c'est hot. C'est quoi? C'est un t-shirt, puis c'est marqué. C'est quand il y a le feu. Ah oui. C'est la commande Git, puis c'est comme the fuck out, puis c'est un gars qui court. Là. Ah oui. C'est pas pire, ça. Non, c'est comme Git commit, Git push. Ouais, quand le feu, Git commit, Git push, Git the fuck out. Ouais, c'est ça. Fait que pour finir cet épisode-ci, Élie, parle-nous un peu de ton live stream que t'as fait sur. T'as fait du live gaming en fait sur Facebook pour tester. T'as testé 2-3 jeux? Ouais, ben deux en fait. Le premier, TIS, je pense qu'on avait déjà parlé. Là, TIS, c'est quand même assez malade. Là. C'est un jeu d'apparence DOS ASCII que. C'est mon goal. Ah, oh, ça n'a pas de bon sens. Là, ouais, c'est comme... parfait. Ouais, on s'est loin chez le milliard à tremblant pour jouer à ça. C'était fou. T'as genre 12 boîtes visuelles que t'as, là. Tu vois, une à côté de l'autre. Chaque boîte représente un thread. Puis t'as à peu près 12 lignes de code dans chaque. Faut que tu codes de l'assembleur pour puis t'es fait communiquer ensemble pour arriver à un résultat qui est défini dans le jeu. Fait qu'en haut, tu vas avoir un input. T'as deux colonnes d'input qui vont te shooter les data. Puis faut que tu arrives avec un output en bas. Par exemple, faut que tu fasses une multiplication. Ouais, ouais. Fait que là, faut que tu fasses ton code assembleur qui fait communiquer les threads entre eux autres parce que c'est deux threads différents qui lient les inputs. Puis il faut que tu fasses multiplier. Pour faire tout ça en plus, t'es en assembleur, t'as juste un registre. Fait que chaque thread a son registre qu'il faut que tu gardes ta donnée dedans, puis que tu la travailles là, tu la relises, puis tu la re-shoot à un autre thread. Puis là, tu fais tout ça, puis ça devient de plus en plus difficile. Là, t'as quasiment du fun. Ouais. Là, tu te sens vraiment épais parce que c'est des affaires simples que tu sais pas grave de faire. Mais c'est le fun, pareil, pour nous autres, mettons. Là. C'était le fun. Mais on a vécu un moment incroyable à notre week-end gaming. Là, c'était parfait. On avait un point à terre, là, c'était comme des fils d'Atari puis une sorte de patente. Puis nous autres, j'ai frappé à la caméra. Ouais. Nous autres, on jouait à ça pendant que. On nomme-tu ou. Ouais, on peut dire. Pendant ouais. que Martin jouait à Breakout avec le son en tapis en débile, ça faisait juste comme des sons. Des gros sons d'Atari. Des gros sons d'Atari. Tu te concentrer puis de te focusser, puis t'es un peu chaud en partant, puis tu te dis ok, là, il faut que je fasse des traits. Puis t'as Martin qui arrive sur la télévision. Qui monte le son. Mais c'est que tu essaies de penser à de quoi de simple. Tu dis, je veux juste additionner les deux chiffres. Faut que je le mette dans le registre. Jump si en bas de zéro. Puis reprends. Puis push en bas. Puis. Des discussions qui font pas de sens quand t'es de l'extérieur. Là. Parce que moi, j'arrive en plein milieu. C'est comme, OK, c'est quoi le langage assembleur? Check dans le manuel. Là, vraiment, ça ouais, parce que t'as le manuel à côté imprimé pour te rappeler tes commandes. Puis, c'est merveilleux. C'est un jeu assez spécial. Essayez ça puis, si vous voulez essayer d'apprendre un peu l'assembleur. J'imagine que ça doit se passer comme ça un ben peu. Ben oui, ça ressemble pas mal, ouais. Je te dirais. Ben, ça je pense que le principe de thread n'est pas tout à fait vrai parce que là, t'en as beaucoup trop. Là. Tu travailles avec 12 threads en même temps qui se jasent, puis qui jamment, puis qui t'as des threads lock, puis c'est space. Mais en fait, généralement, quand tu fais l'assembleur, tu fais pas ça. Genre, tu fais des machines simples, genre, qui n'a pas de threading. Genre. Exact, puis t'es pas limité à 12 lignes. Là, aussi. Ouais. Puis t'as plusieurs registres aussi, fait que tu fais moins chier un peu. Mais c'est la logique est là. C'est vraiment la logique. Okay, quand tu fais une condition, il faut que tu mettes un label, tu fasses une instruction jump avec une condition. T'sais. La logique est là. Ça prend les bases d'assembleur quand même. Mais après TIS, une couple de jours après, est sortie la suite. Qui est Shenzhen.io, après TIS. C'est par le même gars? C'est par la même compagnie. Ah c'est ouais, je savais pas que c'est la même compagnie. C'est pas qu'un gars. ils font Shenzhen.io. Puis ça, c'est poussé un petit peu next level encore. Beaucoup plus beau, par contre. C'est que là, il y a une histoire. Okay? T'es un développeur qui s'est fait engager dans une compagnie, puis il est pitché sur des projets qui n'ont aucun rapport. Fait... pas comme dans la vraie vie. Finalement. Comme dans la vraie vie. Fait que là, t'as une boîte d'email, puis tu es sur ton desktop, tu ouvres tes emails. Puis là, dans ton email, il y a un assignement. Fait que là, faut que tu développes des devices hardware. Donc, ça va dire, par exemple, j'ai un casque de réalité virtuelle, faudrait que je fasse le tracking par infrarouge de la position du casque. Là, tu dis OK. Fait que là, tu t'en vas sur un test bench. T'as le contour de ton device, tu dragues des composantes. Chaque composante étant un processeur, un petit processeur, qui a lui aussi 12 lignes d'assembleur, X inputs, il va en avoir 1 à 2 ou 3, puis des outputs. Puis tu as des inputs analogues, puis tu as des inputs digitales. Fait que là, dans ton composant, par exemple, le tracker infrarouge, tu vas avoir deux affaires qui rentrent dans ton composant, qu'il faut que tu fasses le fil qui s'en va sur le composant pour faire le PCB. Puis là, tu lis les data, puis il faut que tu envoies la bonne affaire, il faut que tu envoies le bon positionnement sur l'output. Fait que là, tu lis tes data, tu fais parler des processeurs, fait que tu rajoutes des processeurs si tu en as besoin pour te rajouter du code, mais tu peux aussi essayer de l'optimiser pour avoir le moins d'affaires possible, parce qu'après ça, ça dit ton device coûte combien à produire, tu as plus de points s'il coûte moins cher. C'est assez prenant comme jeu. Ouais, c'est comme l'équivalent, tu sais, comme TIS, c'est vraiment pour les programmeurs, mais Syngen, c'est vraiment plus pour les ingénieurs électroniciens, tu sais. Plus ou moins, parce qu'en bout de ligne, c'est le même jeu. C'est juste que tu peux draguer tes morceaux puis t'essayer de les optimiser. Parce que la partie électronique n'est pas tout à fait là. Okay. C'est juste que tu dragues des fils, tu dis « je connecte là », tu sais, un digital sur un digital, un analogue sur un analogue, puis that's it. Mais ce que je trouve malade, lui, c'est quand tu roules les unit tests, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on roule les tests dans TIS, c'est juste un paquet d'affaires qui flash. Là, puis, ça devient rouge quand ça crash. Rouge quand ça crash. Mais dans TIS, lui, tu vois un output comme une wave d'un oscilloscope, un peu. Mais il te montre ton input puis tes outputs. Fait que là, tu vois tes waves que là, il t'envoie entre 0 et 100, puis là, ça diminue dans le temps. Puis toi, il faut que ton output, il suive cette affaire-là. Fait que c'est vraiment malade. Je pense que t'as essayé. Là. Moi, j'ai trippé. Puis il y a une mission secrète à un moment donné, il faut que tu fasses une game de Mahjong. Là. Ouais. Ouais. C'est une game de Mahjong sexy. Parce que c'est Mahjong bien normal. Parce que dans tes emails, le monde, il s'excite un peu. Puis ils disent, hey, là, je suis sûr que tu ne battras pas à Mahjong. Fait que tu essaies de les battre à Mahjong. C'est drôle, ça. J'ai jamais compris. En fait, c'est Mahjong avec des cartes un peu. Là. C'est weird. Là. En tout cas, essayez ça, ces deux jeux-là, si vous voulez jouer en programmant. Ouais. Du beau plaisir. Ah, c'est pas peur. C'est pas peur. C'est bien intéressant. On se sent intelligent quand on réussit. Ouais. Puis tu sens con quand tu réussis pas aussi. Ouais, aussi. Quand tu veux relaxer. Quand tu vas être bien calme. Après une grosse semaine de programmation, une bonne game de TIS. Exact. Ouais, j'ai pas fini Shenzhen un peu à cause de ça, parce que je finissais à job, là, j'allais programmer, puis je me sentais comme à la job. Justement, parce que là, je recevais un email avec une tâche, puis tu sais, je voulais la finir le plus rapidement possible. Puis j'ai dit, ah ouais, le feeling est spécial. Mais c'est le fun, pareil. Hey, Daniel Rodrigue, c'est-tu dans ta famille ça aussi? Ouais. Il fait une petite face pas content, il est angry lui-là. Là. On s'excuse. C'est... pas, on essaie pas. De faire le meilleur show possible. Je sais pas. Je peut-être pense qu'il troll. Ouais, qu'il troll, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Mais Daniel il chasse l'orignal aussi. C'est de la famille. Il connaît les techniques lui aussi. Là. Ouais. J'en ai mangé d'ailleurs la semaine passée. Le vessie pis tout. Là. Il connaît ça. Des histoires de vessie. Là, je la plug au moins ici. Fait que sur les histoires de vessie, ça fait le tour de cet épisode 5. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment direct dans le Facebook Live, stay tuned, restez là parce que dans 5-10 minutes, on va revenir, on va faire l'épisode 6 direct. Fait que vous allez avoir un bonus, vous allez voir deux épisodes pour le prix d'un ce soir. Pour se faire pardonner pour l'en fait pendant c'est longtemps. Puis ceux qui l'écouteront en audio, en podcast, ben il va sortir deux semaines après l'épisode 5. Mais vous pouvez aller sur Facebook quand même si vous voulez le voir. Là, fait que, c'est un peu weird. C'est un peu weird, on essaie des affaires, là, mais en tout cas. Sinon, suivez-nous sur notre page Facebook, comme on le disait, La Boucle Infinie. On va essayer de faire une petite communauté de programmeurs, le fun. Là. On va essayer de, d'alimenter ça. Puis on est sur Twitter aussi, @La Boucle Infinie. Fait qu'on se revoit très bientôt pour l'épisode 6. À la prochaine tout le monde. Yes. Oh.